Chapitre 23. Le lendemain, vers 1 heure de l'après-midi, comme les deux frères achevaient de prendre leur thé, un grand escogriffe à la mine importante apparut sur l'horizon de la place. Après avoir sonné à 2 ou 3 maisons d'une apparence plus convenable, il se décida à aborder enfin la vieille petite masure. Le nom de la propriétaire se trouvait pourtant bien écrit sur la lettre qu'il tenait à la main, et il l'avait regardée en passant au-dessus de la porte. Mais cet homme, imbu de principes aristocratiques, avait mieux aimé faire plusieurs démarches inutiles que d'admettre la possibilité de contaminer ses nobles pieds de valet de chambre au seuil d'une demeure aussi misérable. La personne que ses maîtres daignaient honorer d'une missive ne pouvait pas, ne devait pas habiter un si pauvre logis. Contraint cependant de se rendre à l'évidence, il carillonna d'une main ferme, et du coup, Petit Gris effrayé prit son vol au travers de la table, de façon à compromettre sérieusement l'équilibre de la théière sur le samovar. La propriétaire descendit l'escalier de bois, avec une prestesse non moins caractéristique, ouvrit la porte, et entra en pourparler avec ce magnifique messager, qui se retira peu après d'un pas majestueux. « Une lettre pour M. Marcof de la part de la princesse Redine. Il n'y a pas de réponse, » dit la bonne femme en se retirant. M. Marcof ne pouvait être que Demian. Il allongea le bras et ouvrit l'enveloppe sans que Victor eût pensé à réclamer. « Qui est la princesse Redine ?» demanda naïvement le brave garçon. « Et qu'est-ce qu'elle peut te vouloir ?»« C'est de l'ouvrage pour l'hiver prochain, » répondit Demian en posant sur la table le papier anglais, épais, lourd et mat, dont les plis avaient résisté à la pression de l'enveloppe et qui s'ouvrait tout seul. « Des leçons ?»« Non, pas tout à fait. Des auditions d'accompagnement, si tu veux. » C'est pour jouer des sonates, piano et violon. L'hiver prochain, c'est loin, fit Victor, qui eût mieux aimé tout de suite. Oui, c'est loin, répéta Demian avec un soupir. Une princesse montre son écriture. Il saisit la lettre, non sans qu'un léger mouvement de son frère eût indiqué le désir de la garder pour lui seul. Mais Victor n'y fit pas attention et lut tout haut en russe. La princesse Cléopâtre Redine, partant ces jours-ci pour les eaux de Piatigorsk, prie M. Marcof de lui réserver quelques heures l'hiver prochain afin d'exécuter de la musique d'ensemble. La princesse compte être de retour vers le mois de novembre. Suivait l'adresse. « Le mois de novembre ?» s'écria Victor. « Les calendes grecques !» dit Ladoff sur le seuil de la porte. Il n'était pas allé au travail ce jour-là, se réservant de prendre un congé avec ses amis. « Non, » répliqua Demian avec fermeté, pendant que ses yeux brillaient d'un feu étrange, moitié colère, moitié triomphe. « C'est sérieux. »« Qu'en sais-tu ? » ?»« Je l'ai vue. Elle était hier au concert. Elle était au conservatoire. » Il s'arrêta et se mordit la langue. Que pouvait-il dire de plus ?« Une protectrice alors ? C'est parfait. Jeune ou vieille ?»« Jeune, » répondit Demian à contre-cœur. « Belle ou laide ?»« Belle, à ce qu'il m'a semblé. » »« Hourra pour la beauté !» Philadoff, d'un ton froid qui contrastait fort avec ses paroles enthousiastes. « Et elle demeure ?» Victor relut l'adresse. « Mon bon, » dit Ladoff, toujours froidement, « ta fortune est faite. »« Hein ?» fit Demian en se cabrant comme sous un coup de fouet. « Une princesse jeune, belle, qui protège les arts, et qui prend rendez-vous 6 mois d'avance, ne peut manquer d'avoir à ton endroit les intentions les plus généreuses. Tu la connais ?» fit le jeune artiste, blessé instinctivement par le ton d'André. « De réputation. »« Eh bien, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à dire ?» continua Demian avec un peu d'aigreur. « Rien du tout. À mon point de vue, rien du tout. Quand on est riche et puissant, on fait ce qu'on veut. C'est à vrai dire le principal mérite de la richesse et de la puissance. » Demian s'est élevé et se promenait par la chambre au risque de heurter la table et de marcher sur la queue agitée de Petit Gris qui le regardait d'un air mécontent. « Quelle chose singulière, » dit-il après avoir fait 2 ou 3 tours, « que ce besoin de dénigrer les gens qu'on ne connaît pas. Il suffit qu'une femme soit aimable et riche pour qu'aussitôt la calomnie l'attaque. » Ladoff mit la main sur le bras de l'artiste et l'arrêta court dans sa phrase, aussi bien que dans sa promenade. « Tu la connais donc bien, » dit-il tranquillement, « que tu parles de calomnie. Moi, pas du tout. » Tu ne la connais pas du tout et voilà que pour cette femme que tu ne connais pas, que tu as vue 2 fois, tu accuses de calomnie ton ami de plusieurs années, celui qui partage avec ton frère le droit de t'aimer, de t'encourager, de te conseiller. Demian secoua la main qui tenait son bras et voulut se détourner. « Tu ne me mettras pas en colère, » dit Ladoff, toujours calme. « Je te dis que tu me traites comme un fâcheux, comme un précepteur, comme une vieille bête. Et cela pour une femme que tu ne connais pas. Elle t'a regardé dans le blanc des yeux, n'est-ce pas? Et tu as perdu l'esprit. Eh bien va, mon ami, va où le destin te pousse. Après tout, le destin ne s'occupe peut-être pas de toi. Elle a du bon sens, cette femme, elle s'en va. Quand elle reviendra, tu en auras une autre dans la tête. » Il rit doucement, de son rire paisible qui dénotait une si parfaite possession de lui-même, et ce rire calma l'irritation de Demian. Il avait retenti bien des fois au milieu de leurs discussions esthétiques, politiques et autres, ce rire d'homme qui connaît la vie et qui sait excuser toutes les faiblesses. Que de fois, après un bel exposé de théorie, André avait ri de ses utopies et de lui-même, avec la même simplicité qu'il riait d'autrui à l'occasion. Ce rire bienveillant avait accueilli tous les projets grandioses de Victor, toutes les chimères poétiques de Demian, et toujours ils avaient fait chorus, irrésistiblement gagné par sa franchise et sa bonhomie. L'effet fut le même cette fois encore. Demian tendit la main à Ladoff et lui dit « Je suis un imbécile. » « Certainement, » répondit le jeune homme, « mais je dois avouer qu'il faut une certaine dose de bon sens pour le reconnaître. Prends garde aux ondines, mon ami, prends garde aux fées protectrices. Les Carolines sont moins dangereuses. À vrai dire, elles ne sont pas dangereuses du tout. Une femme qui sent l'oignon et qui met à ses cheveux de la pommade à la rose ne peut être en danger que pour un apprenti bottier. Victor, comprendrais-tu un apprenti bottier qui ferait un trou à la caisse de son patron pour enlever une Caroline ?»« Je ne connais pas de Caroline, » dit naïvement Victor. « Ton frère en a connu. »« Veux-tu te taire ?» fit Demian. « Tu vas scandaliser ma femme de ménage. »« Oh, moi, » dit Victor, « je ne me scandalise pas. Il faut bien que jeunesse se passe. »